respiration post-concert. Le box on l'air, bénistérie totale. C'est suspense, si le mic t'as quitté le virodrame. Maintenant les choses sont claires. T'as saisi qu'on aimait la signature, libérer ses pros donc assainir donc se prêter à miniaturiser les défauts. Lexique t'as fait bédo si t'as pisté les néologismes. Des ignarés, des pauvres inhabitués de mes textes autokill. Te lance pas dans ce game, ta bite ne te fera pas rimer. N'y pense pas, t'en serais la risée de parasite. Laisse la place, presse la gâchette sous extra. Trop de stress à la de la rue quand on pète la cachette. On crèche la coke quand les autres jouent les bandits, les gants filent en douce. Moi je rêve des billets de banque, de banquier, les blanchis remboursent. Coupe à la base, t'es blanc mais quand je déclenche la foudre imparable. Dans ce rap on fout le sou comme des clans. Des planques et dans la soute à bagage. La balise indique fausse route. Pas de panique, j'ai mis bien plus d'une alcaline dans ma batterie de secours. Pose tes rébans et bouge tes méninges. Mes calicos foot tes fans à terre, tes amigos touchent. C'est pas la peine si tu voulais m'éteindre. C'est simple, t'as juste appelé des coupables. De tes couplets tout pété, tout fade. De tes textes à peine écoutables. Remets tout ça sur le tapis comme parler d'inceste en repas de famille. C'est mort. C'est un fait, dis pas l'inverse si tu n'y as pas mis les formes. Vu que parmi les hommes, rares les gars qui parlent d'exemple. Parlez fort, bat des records. J'arrive à faire sans par inadvertance. Marie m'a des chances de détrôner la tienne. J'nuance. J'acquiesce, les dents serrées, je vais t'enterrer, j'ai augmenté ta fièvre. On s'en fiche du quand dira ton fox qu'on perd. On veut sentir la transpiration post-concert. Le box on l'herbe et l'hystérie totale. C'est vite fait, si le mic t'a vite fait vivre au drame. Maintenant les choses sont claires. On s'en fiche du quand dira ton fox qu'on perd. On veut sentir la transpiration post-concert. Le box on l'herbe et l'hystérie totale. C'est vite fait, si le mic t'a vite fait vivre au drame. Maintenant les choses sont claires. Hormis tout ça, la place est libre sur orbite. On inaugure et maîtrise la partie pour aplatir Thierry Minaudible. Et ni qu'on file aucune de nos astuces. La chute de ton rap est proche. Les phrases détrônent des gommes. Les sauces de Zach et proche. J'résonne en ripant les sons de Method Man. Réquan, loin du dégât des hommes et l'ensemble de ces sales réformes. J'évoque tout un tas de choses qui pour nous sont primordiales. Et dis-leur bien qu'on souhaite toucher uniquement des primordiales. Donc arrête de rap et de la sorte faire le wack et de parler bagnole. Remballe tes papioles et ton swag de balai à chiottes. Certains bloquent face au choix. Mène un vrai combat complexe. Choisir un gloss adéquat. Donner un prénom à son kleps. Écoute les casques creuses entre les cafteuses et les kickers. Quatre meuses et des poussières pour écarteler ces tricheurs. Fixe pen. Encerclé par les dalles malgré la menace bas. J'espère que tu vois de quoi on parle et parle et parlera. Ton fox qu'on perd. On veut sentir la transpiration post-concert. Le box on l'herbe et l'hystérie totale. C'est vite fait, si le mic t'a vite fait vivre au drame. Maintenant les choses sont claires. On s'en fiche du quand dira ton fox qu'on perd. On veut sentir la transpiration post-concert. Le box on l'herbe et l'hystérie totale. C'est vite fait, si le mic t'a vite fait vivre au drame. Maintenant les choses sont claires.